Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Voici maintenant la leçon 35. La phrase clé aujourd'hui est... Crédito cardo wa tsukaemasu ka? Puis-je payer par carte? Plus littéralement, puis-je utiliser une carte? Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna a aimé manger des sushis frais avec Kenta au restaurant de sushi sur tapis roulant. Écoutons maintenant la leçon 35. La phrase clé est... Crédito cardo wa tsukaemasu ka? Puis-je payer par carte? お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Laissez-moi vous expliquer le sketch. Kenta a dit au caissier: お勘定をお願いします。 Puis-je avoir l'addition, s'il vous plaît? お勘定 signifie l'addition. Il s'agit d'une expression polie puisque 勘定 l'addition comporte un préfixe honorifique. O. O, qui suit au kanjo, est une particule qui indique l'objet. Onegaishimasu signifie « puis-je, s'il vous plaît ?»« Pourriez-vous, s'il vous plaît ?» Plus littéralement, « je voudrais vous demander de faire quelque chose. » Okanjo-onegaishimasu est ce qu'on dit habituellement à un serveur ou une serveuse lorsque l'on désire régler l'addition dans un restaurant. Adrien, que dois-je dire lorsque je veux connaître le prix d'un article, quand je fais des courses dans un magasin? On dit « Oikura desu ka ?» Combien ça coûte? Retournons au sketch. Le caissier répond « Zenbu de 5200 yen desu. » En tout, ça fait 5200 yens. Apparemment, Anna et Kenta ont beaucoup mangé. « Zenbu » signifie « tout ».« De » est une particule qui indique une gamme. On utilise souvent « zenbu de » en tout, plus littéralement en incluant tout pour diverses occasions. Veuillez le mémoriser. « 5200 » signifie « 5200 ».« Go » c'est « 5 »,« sen » »,« 1000 »,« ni »,« 2 » et « hyaku » signifie « 100 ».« M » c'est « yen », c'est la monnaie japonaise. « Des » est une expression polie qui conclut une phrase. Expliquez-nous le fonctionnement des centaines. Kyaku, c'est 100. 200, c'est nihyaku. Mais la façon de prononcer hyaku change après certains nombres. 300 se dit sambyaku. 600, c'est ropyaku. Et 800, hapyaku. Est-ce la même chose avec 1000, sen? Doit-on mettre un chiffre avant sen pour compter les milliers? Oui, 1000, c'est sen. Ensuite, on procède de la même façon. Mais il faut faire attention pour ce qui est de la prononciation de certains d'entre eux. 3000 se dit « 3000 » et 8000 c'est « 8000 ». Et que fait-on pour les nombres à partir de 10 000? Pour la tranche des 10 000, on dit « 10 000 ». 10 000 c'est « 10 000 ». Puis, si l'on dit « 100 » et ensuite « 1000 », on a « 100 000 », 1 million, c'est bien ça? Exactement. Ensuite, Kenta demande au caissier Crédito cardo wa tsukaemasu ka? Puis-je payer par carte? Plus littéralement, puis-je utiliser une carte? C'est notre phrase clé aujourd'hui. Crédito cardo signifie carte de crédit ou carte bancaire. C'est un mot emprunté de l'anglais credit card. Wa est la particule qui indique le sujet. Tsukaemasu pouvoir utiliser est la forme conjuguée du verbe « tsukaimasu » utiliser. Dans ce cas, cette forme est employée pour exprimer ce qu'on peut faire et elle est appelée la forme potentielle des verbes. « Ka » est une particule. Si on l'utilise à la fin d'une phrase, on met celle-ci à la forme interrogative. Exerçons-nous à dire la phrase clé d'aujourd'hui. « Crédito cardo wa tsukaemasu ka ?» Le caissier répond « Hai, tsukaemasu. » Oui, vous pouvez. Plus littéralement, oui, vous pouvez l'utiliser. Hai signifie oui. Tsukaimas signifie vous pouvez l'utiliser. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 35. La phrase clé aujourd'hui est Crédit card wa tsukaemasu ka? Puis-je payer par carte? Plus littéralement, puis-je utiliser une carte? Okanjo, onegaishimasu. 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Passons à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris la forme potentielle du verbe tsukaimasu. Veuillez nous donner plus de détails sur la façon de créer cette forme verbale. Demandons à notre professeur. La forme potentielle des verbes a deux significations. L'une est la capacité de faire quelque chose. Par exemple, si l'on souhaite dire « je peux parler japonais », on utilise la forme potentielle de « hanashimasu » parler et on dit « hanasemasu » pouvoir parler. L'autre est la permission de faire quelque chose dans une circonstance particulière. Par exemple, lorsque l'on veut dire qu'on peut utiliser une carte, on emploie la forme potentielle de « tsukaimasu » utiliser et on dit « tsukaemasu » pouvoir utiliser. Mais ce ne sont pas tous les verbes qui peuvent être conjugués de cette façon. Ceux qui n'ont rien à voir avec la volonté des gens ne peuvent pas se conjuguer selon cette forme. Par exemple, « pleuvoir ». « Furimasu ». Voici maintenant comment créer la forme potentielle des verbes. La première façon concerne les verbes dont la syllabe placée devant mas se termine en e. Ici, devant mas, on insère dare. Donc, tabemasu. Manger devient taberaremasu. Pouvoir manger ou assez bon pour être mangé, comestible. La deuxième concerne les verbes dont la syllabe placée devant mas est i. Dans le cas de ces verbes, il existe deux modèles. Un modèle consiste à remplacer la voyelle « i » par « e ». Donc, « hanashimasu » parler devient « hanasemasu » pouvoir parler. « Tsukaimasu » utiliser devient « tsukaemasu » pouvoir utiliser ou peut-être utiliser. Dans l'autre modèle, on insère « dare » devant « masu ».« Mimasu » regarder devient « miraremasu » pouvoir regarder. Certains verbes se conjuguent de façon irrégulière. Kimasu. Venir devient koraremasu. Pouvoir venir. Shimasu. Faire devient dekimasu. Pouvoir faire. Veuillez les mémoriser. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique Mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est une caisse enregistreuse qui lit les codes à barre. Oui. Un mot employé dans ce cas est pip. Si le son se répète, ça devient pipi, n'est-ce pas? Voici le son suivant. C'est le son qui indique que la cuisson au micro-ondes est terminée. Le mot pour décrire ce son est ching. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons parlé de « pi » et de « ching ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Kenta m'a invité à manger des sushis et a payé pour moi. On dit « gochiso sama deshita » après les repas. J'ai appris qu'on dit également « gochiso sama deshita » lorsque quelqu'un paye pour notre repas. La leçon 35 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était « Crédito cardo wa tsukaemasu ka ? » Puis-je payer par carte? Dans notre prochaine leçon, Anna et Sakura quitteront Shizuoka pour rentrer à Tokyo. Ne manquez pas cette leçon.